Cela, monsieur, arrive 2 fois sur 10. Oh, nous nous y connaissons. Quelle preuve avez-vous de cette complicité? Oh, d'abord le mari, dit le fin commissaire de police, avec le calme d'un chirurgien habitué à débrider des plaies. La spéculation est écrite sur cette plate et atroce figure. Mais ne deviez-vous pas beaucoup tenir à certaines lettres écrites par cette femme et où il est question de l'enfant? Je tiens tant à cette lettre que je la porte toujours sur moi, répondit le baron au commissaire de police en fouillant dans sa poche de côté pour prendre le petit portefeuille qui ne le quittait jamais. « Laissez le portefeuille où il est, dit le commissaire, foudroyant comme un réquisitoire. Voici la lettre. Je sais maintenant tout ce que je voulais savoir. Madame Marneffe devait être dans la confidence de ce que contenait ce portefeuille. Elle seule au monde. C'est ce que je pensais. Maintenant, voici la preuve que vous me demandez de la complicité de cette petite femme. « Voyons, dit le baron, encore incrédule. « Quand nous sommes arrivés, monsieur le baron, reprit le commissaire, ce misérable Marneffe a passé le premier, et il a pris cette lettre que sa femme avait sans doute posée sur ce meuble, dit-il en montrant le bonheur du jour. « Évidemment, cette place avait été convenue entre la femme et le mari, si toutefois elle parvenait à vous dérober la lettre pendant votre sommeil. Car la lettre que cette dame vous a écrite est, avec celle que vous lui avez adressée, décisive au procès correctionnel. » Le commissaire fit valoir à Hulot la lettre que le baron avait reçue par Rennes dans son cabinet au ministère. « Elle fait partie du dossier, dit le commissaire. Rendez-la-moi, monsieur. »